j'aurais dû écouter ma mère si j'avais eu. J'aurais dû te niquer ta mère si j'avais eu. Ici c'est la Césaire, si j'avais eu. Le monde tourne à l'envers, mon frère, si j'avais eu. J'aurais ta fille à l'école si j'avais eu. Éviter le deal et le vol, si j'avais eu. Que si ton pote te balance, si j'avais eu. Moi j'ai perdu trop de potes d'enfance, putain, si j'avais eu. Dans ma tête ça balançait dessus. Pas facile d'être honnête, si j'avais eu. Souvent déçu, mec arrête de Jésus. On m'a dit le pouvoir c'est les répètes, si j'avais eu. Une pute reste une pute, si j'avais eu. Pour quelques grammes de pute, fils de pute, si j'avais eu. Que les ennemis c'était des amis, si j'avais eu. Qu'il n'y a pas plus cher que la famille, si j'avais eu. Si j'avais eu. Si j'avais eu. Y'a que des bâtards, jamais trop tard. Mon seul poteau c'est mon pétard. Si j'avais su, on se lève tôt, on se couche tard. Coup de couteau, corbillard. Si j'avais su, tueur en moto, tourne au tiercard. Tôt ou tard on sera fumé. Si j'avais su, c'est le ghetto, pisté par les stars. Kilo dans le camtar, j'suis cramé. Si j'avais su, j'aurais pas dû ouvrir mon cœur. Si j'avais su, ici ça se dit ironique de bon cœur. Si j'avais su, dur de garder le sourire. Si j'avais su, pour un rien tu peux mourir, merde. Si j'avais su, que même bien on est en chien. Si j'avais eu, frangin, demain c'est loin, putain. Si j'avais eu, j'aurais prié chaque matin. Si j'avais eu, car Chétan est plus que malin. Si j'avais eu, j'aurais tapassé l'arbitre. Si j'avais eu, vu que sur le terrain il était suspect. Si j'avais eu, ici tout va très vite. Si j'avais eu, il nous faut tout, tout et tout de suite. Si j'avais eu, la vie est dure, frère. Si j'avais eu, le bif c'est le nerf de la guerre. Si j'avais eu, le problème c'est qu'on a rien sans rien. On croit qu'on sait tout, tout, mais en fait on sait rien. Si j'avais su. Si j'avais su. Y'a que des bâtards, jamais trop tard. Mon seul poteau c'est mon pétard. Si j'avais su, on se lève tôt, on se couche tard. Coup de couteau, corbillard. Si j'avais su, tueur en moto, tourne au tiercard. Tôt ou tard on sera fumé. Si j'avais su, c'est le ghetto, pisté par les stars. Kilo dans le camtar, j'suis cramé. Si j'avais su. Si j'avais su.